إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 19 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, avec les commentaires de Cheikh Al-Fawzan, Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, et c'est un commentaire qu'il a écrit, il a été publié. À la base, c'était des durus qu'il a donné, donc des cours, un sharh qu'il a fait de Al-Hamawiyya, et ils ont été enregistrés. Et les cours audio de ce livre, en fait, sont même disponibles sur le site du Cheikh Al-Fawzan. Donc, vous pouvez les télécharger là-bas. Et elles ont été remises par écrit par la suite. Et c'est un livre qui a été publié. Donc, il s'intitule At-Ta'liqat At-Tawdihiyya 'ala Muqaddimat Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Na'am, donc on est arrivé à l'endroit dans la fatwa al-Hamawiyya où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il explique yani le fait qu'on doit suivre les salaf al-salih, hein, et que cette umma allait se diviser. Il a mentionné le fait que cette umma va se diviser en 73 sectes et qu'il y en a une seule qui va être sauvée, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis donc de cette division-là qui allait se produire dans l'avenir. Et on a expliqué au dernier cours les explications de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Maintenant, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit « Thumma qal, inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitab Allah. » Donc le Cheikh, il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a déjà été mentionné, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je laisse parmi vous deux choses, ou plutôt je laisse une chose parmi vous, que si vous vous y accrochez, vous n'allez jamais vous égarer. » Et il dit « Le livre d'Allah ». Donc il y a différentes versions de ce hadith. Dans cette version ici, il mentionne le livre d'Allah. Dans une autre narration, il y a la mention de deux choses, que si vous vous y accrochez, vous n'allez jamais vous égarer. Et il dit le livre d'Allah et ma sunna, hein, kitab Allah wa sunnati. Donc le Cheikh Al-Fawzan il commente à ce sujet-là et il dit hadha min ni'matillahi annahu 'inda al-ikhtilaf ma tarakana natahayyar bal a'tana at-tariq as-sahih alladhi namshi 'alayhi walakin hadha yahtaju ila thalathati umur. Donc le Cheikh il dit, ça c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que lorsqu'il y a des divergences, il ne nous a pas laissé dans la confusion, hein, et de nous laisser dans l'errance. Au contraire, il nous a donné une voie correcte à suivre, sur laquelle on doit marcher. Mais pour pouvoir suivre cette voie, on a besoin de trois choses. Le Cheikh il énumère ces trois choses, il les explique. أولا الصحيح العلم الصحيح وليس التعالم فلا يمكن أن تسير على هذا الطريق إلا إذا تعلمت وعرفت الحق من الضلال. Donc la première chose que tu as besoin pour marcher sur ce chemin correct, sur cette bonne voie, c'est la bonne science, la science qui est correcte, la science qui est exacte, qui est authentique, et non pas التعالم, c'est-à-dire de prétendre à la science ou de montrer que tu as une connaissance alors que en réalité tu n'as pas vraiment de connaissance. Hein? C'est ce qu'on appelle at-ta'alum, de faire paraître, hein, de faire paraître, de vouloir montrer qu'on a de la science, de vouloir faire paraître qu'on a de la science alors qu'on n'a pas de science. Hein? Donc d'avoir la science correcte, et le cheikh explique que tu ne peux pas marcher sur la voie et sur le bon chemin excepté si tu as appris, que tu as acquis de la science, et que tu as connu la vérité, et que tu es capable de distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc ça, tu as besoin de cette science-là en premier. Et cette science, elle se prend bien entendu des ulama, hein, elle se prend pas comme ça dans les airs ou bien dans les livres tout seul. Non, elle se prend des ulama directement. Deuxième chose que tu as besoin, c'est l'amr al-thani, al-sabr wa-thabat wa-adam al-tazahzuh walau asabaka ma asabak fa-innaka tasbiru mahma kallafaka hadha al-amr. Donc la deuxième chose que le cheikh mentionne que tu as besoin pour suivre ce droit chemin, c'est l'endurance et la fermeté, et ne pas être secoué, de ne pas être secoué par les événements ou par les circonstances ou par les tribulations, de rester ferme et de rester endurant, même il y en a peu importe ce qui va t'atteindre par la suite comme difficulté ou comme fitna ou comme épreuve et ainsi de suite. Donc tu fais preuve d'endurance et de fermeté, hein, et tu patientes peu importe ce que ça exige de ta part. Et ça, c'est le deuxième point. Et la troisième chose que tu as besoin pour suivre ce chemin, c'est al-amr al-thalith an la taghtar bil kasra wa inna ma tanzuru ila ma huwa ila man huwa ala al-haq wa inna ma tanzuru ila man huwa ala al-haq. Donc le cheikh explique comme troisième point que il ne faut pas regarder ou se laisser séduire ou tromper par le nombre et la quantité, hein? Mais tu dois uniquement regarder qui est sur la vérité. Parce que si tu te bases sur la quantité, yani, subhanallah, tu vas facilement t'égarer, hein? Tu vas dire, ah, mais je veux être avec le plus grand nombre de personnes. Et tu vois que le plus grand nombre est dans l'égarement, hein? Donc tu suis l'égarement pour pas être avec la minorité, pour être avec le plus grand nombre. Eh bien, ça, c'est l'égarement total. Hein? Donc, on a parlé de ça au dernier cours. On a expliqué qu'on doit toujours s'accrocher à la vérité, même si ceux qui sont sur la vérité sont un petit nombre. Hein? Et c'est souvent ce que les gens de Hizbiyya et les gens de Bid'a nous reprochent. Hein? Puisqu'ils nous disent, est-ce que vous pensez que c'est seulement vous qui étiez sur la vérité? Vous pensez que vous êtes les seuls sur la vérité? Que les autres sont dans l'égarement? Oui, on croit que celui qui s'accroche au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salafs salih et qui suit la voie des ulama qui ont suivi leur aqidah et leur manhaj depuis l'époque des sahaba jusqu'à notre époque, que c'est eux uniquement qui sont sur la vérité et que tous les autres sont dans l'égarement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Même si ceux qui sont sur cette voie-là sont peu nombreux et qu'ils sont un petit nombre, hein, et c'est ça la réalité des salafis, partout où ils sont en général, ils sont toujours minoritaires, eh bien, c'est un signe. Et ça veut dire qu'il faut s'accrocher à la vérité, même si on est peu nombreux. Tandis qu'aujourd'hui, à notre époque, on vit dans l'époque où les koufars se basent sur la démocratie, et sur les élections, et sur les votes, et tout ça c'est basé sur la quantité, hein, d'avoir le plus grand nombre, d'avoir la majorité, d'avoir le plus grand nombre de personnes qui est avec nous. Et vous savez que pour que des gens soient donc au pouvoir, ou pour que des gens soient élus, il faut qu'ils aient la masse avec eux. Et la masse, c'est pas les gens les plus savants, les gens les plus intelligents, les gens les plus bien guidés, les plus pieux, hein, les plus sages. Non, c'est la masse. Et la masse, elle est aveugle. Et il y en a de toutes sortes. Il y a le bon, il y a le mauvais dedans. Et il y a le pieux, et là, il y a le pervers. Et il y a l'intelligent, et il y a l'ignorant. Et la majorité des hommes, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, la majorité des hommes sont les pervers. Et la majorité des hommes sont des des gens qui ne savent pas. Et la majorité des gens ne sont pas croyants. Comme il le dit dans plusieurs versets. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Si tu obéis à la plupart des hommes sur terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Et nous avons trouvé la plupart d'entre eux comme étant des pervers. Et nous avons trouvé très peu d'entre eux étant comme étant des croyants. Donc tout ça, c'est des versets qui nous montrent qu'il ne faut pas se référer au nombre uniquement. Il faut regarder qui est-ce qui est sur la vérité. Ensuite, le Cheikh il dit, فَقَوْلُهُ إِنِّي تَارِكُمْ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي كِتَابُ اللَّهِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ وَالسُنَّةِ الَّتِي هِيَ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةِ لَمْ يَقُلْ إِنِّي تَارِكُمْ فِيكُمْ عقولكم وأفكاركم وعلم الكلام وعلم الجدل والمنطق بل قال كتاب الله وسنتي وهذا هو سبيل النجاة وهذا يوجب على المسلم أن يتمسك بالكتاب والسنة. Donc, le Cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous laisse deux choses si vous y accrochez, hein, je laisse parmi vous deux choses que si vous vous y accrochez, vous n'allez pas vous égarer, le livre d'Allah et ma sunna. Le Cheikh explique que le livre d'Allah, c'est le Coran, et que la sunna, c'est les hadiths authentiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça ce qu'il nous a laissé pour ne pas qu'on s'égare. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit, je vous laisse les choses suivantes, ou je vous laisse deux choses que si vous les suivez, vous n'allez pas vous égarer, votre raison, ou vos logiques, ou vos raisons, ou vos intelligences, ou vos philosophies, ou la science de la dialectique, ou bien la logique grecque, la logique d'Aristote. C'est ça ce que je vous laisse après moi pour que vous égarez pas. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit je vous laisse après moi la logique d'Aristote ou de Platon, ou la philosophie des Grecs, ou la philosophie des bouddhistes ou des hindous, ou les livres des juifs et des chrétiens. Non, il a dit, je vous laisse deux choses, le livre d'Allah, le Coran, et ma sunna, c'est-à-dire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la voie du salut, et c'est ça ce que le musulman est ordonné et obligé, de suivre, et c'est à ça qu'il doit s'accrocher, le Coran et la sunna. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَهُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمِ وَأَصْحَابِي. Donc, Ibn Taymiyyah, il mentionne le hadith du groupe sauvé. Il dit que ça a été mentionné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou rapporté à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit à propos du groupe qui sera sauvé. Il a mentionné la description de ce groupe en disant, c'est celui qui suit ce que j'ai suivi moi-même ainsi que mes compagnons, comme c'est rapporté dans une des narrations du hadith des 73 sectes. Il a dit, le groupe sauvé, celle qui ne va pas aller en enfer parmi les 73, c'est celle qui suit ce que j'ai suivi moi-même ainsi que mes compagnons. نعم الشيخ الفوزان يلدي على السجلة الفرقة الناجية أي الناجية من النار لقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة ولما سئل من هي يا رسول الله من هي يا رسول الله هذه الفرقة التي تنجو من النار قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم اليوم يوم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الضابط لطريق النجاة لأن كثيرا من الناس اغتر بالكثرة يقول كل الناس على هذا ثم ينجرف مع الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc, le Cheikh il dit, le groupe sauvé, le groupe qui sera sauvé de l'enfer, c'est par rapport au hadith dans lequel le prophète a dit que toutes les 73 sectes seront en enfer, excepté une. Hein, et il fut questionné à ce sujet. Et on lui a demandé laquelle de ces sectes, de ces groupes, sera sauvée. Hein, et il dit, c'est celle qui est sur ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Hein. Et le cheikh, il dit, al-yawm, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma ana alayhi al-yawm, wa ashabi, eh bien, il dit que al-yawm, ça veut dire aujourd'hui, ou ce jour, c'est-à-dire l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça la règle. Et c'est ça le principe et la règle pour être sur la voie du salut, parce que beaucoup de gens, hein, ils sont trompés par la quantité. Ils se laissent tromper par le nombre. Et ils disent, hein, ou un d'entre eux dit par exemple, tout le monde fait ça. Et c'est ça ce que le monde fait. Puis après, il suit les gens. Wala hawla wala quwwata illa billah. C'est comme certains, par exemple, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans, ils vont dire, par exemple, le monde entier est en train de faire ça, ou le monde entier a accepté ça, et tout le monde pratique ou fait ou suit ce système, donc il faut le suivre nous aussi. Hein? C'est comme ça que les gens pensent. Ils disent, ah, mais tout le monde entier, maintenant, toute la terre entière, ils sont en train d'appliquer, soi-disant, la démocratie, ils sont en train d'accepter ci ou d'accepter tel principe ou telle règle ou telle chose. Pourquoi nous, on va être différents du monde? Hein? Il y en a qui pensent comme ça. Donc, ici, le cheikh, il nous explique, il dit, il ne faut pas regarder le monde, il ne faut pas regarder les gens, il ne faut pas regarder l'humanité, qu'est-ce que tout le monde fait, il ne faut pas regarder la grande majorité de la population, qu'est-ce que les gens font. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour savoir si quelque chose est la norme, et que c'est correct, et que c'est bon, et que c'est quelque chose que Allah aime, c'est est-ce que c'est quelque chose qui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala et par son messager sallallahu alayhi wa sallam, et si c'est le cas, alors c'est ça qu'on doit suivre. Hein? Même si tout le monde fait le contraire. Même si tout le monde fait le contraire, on ne doit pas se référer à ça. Et si tout le monde fait quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna, eh bien, nous, on doit suivre ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, même si ça déplaît à l'humanité tout entière. Hein? On a été créé pour Allah, par Allah et pour Allah. On a été créé par Allah et pour adorer Allah. Pas par les hommes et pour adorer les hommes ou suivre les hommes ou faire plaisir aux hommes. Hein? On est créé par Allah, pour Allah, hein? Pour adorer Allah. Et le cheikh il dit ensuite, فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. Donc le cheikh explique, il dit, alors dans ce cas, hein, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre le Coran et la Sunna, de suivre son exemple, de suivre l'exemple des sahaba, hein, et il a mentionné ça dans plusieurs hadiths, et il a mentionné qu'il allait avoir des musulmans qui allaient s'égarer, et des groupes parmi les musulmans qui allaient être déviés du droit chemin, et qu'ils allaient être en enfer, et qu'ils méritent l'enfer, et qu'ils sont menacés de l'enfer, hein. Et qu'il y en a 73 qui sont dans l'enfer, il y en a 73 sectes, et qu'il y en a 72 dans l'enfer, et une seule au paradis. Ça veut dire que la majorité de ces sectes sont égarées, il y en a une seule qui est sur le droit chemin. Donc ça veut dire qu'il faut pas suivre la majorité, mais il faut suivre la vérité. Donc le cheikh il dit, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, celui qui s'accroche au sens apparent du Coran dans le domaine de l'aqida est un égaré. Hein? Pourquoi il n'a pas dit ça? Si c'est ce que vous prétendez, c'est-à-dire si c'est ce que les gens de Kalam prétendent, les Jahmiyyah, les Mu'tazila, et les Asha'ira, et les Maturidiyah, hein? Et tous les gens qui déforment le sens et qui nient les attributs d'Allah, eh bien, si c'est ce qu'il prétend, pourquoi dans ce cas-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais dit? Hein? Si de suivre le sens apparent du Coran, c'est de l'égarement et du shirk et du kufr et du tashbih, hein, et de l'anthropomorphisme, hein, alors dans ce cas-là, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit aux gens, ne suivez pas ou ne croyez pas au sens apparent de ce qui est écrit dans le Coran, hein, et que celui qui croit en qu'est-ce qui est apparent dans le Coran et en son sens apparent, hein, eh bien que c'est un égaré. Pourquoi il n'a pas dit ça? Et c'est ça que tu vois maintenant chez les, même chez les koufars et même chez des gens de bid'a, c'est ça ce qu'ils font. Ils disent, ah ça c'est des musulmans, les salafistes, ce sont des gens qui sont littéralistes, ils suivent le sens apparent du Coran. Hein? Les salafistes, ce sont des littéralistes, ce sont des gens qui suivent le sens apparent, comme si c'était un égarement, comme si c'était pas correct de faire ça. Hein? Et on a déjà expliqué, et Cheikh l'Islam, il l'explique dans plusieurs endroits dans ce livre et dans d'autres livres également, que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre, c'est le sens apparent du Coran, hein, et c'est qu'est-ce qui est clair et apparent du Coran. Et si c'était pas ça qui était ordonné de suivre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait dit. Il aurait dit, ne croyez pas en qu'est-ce qui est écrit textuellement, et ne croyez pas au sens littéraire de qu'est-ce qui est écrit, au sens littéral de qu'est-ce qui est écrit. Prenez une autre interprétation ou déformez le sens de qu'est-ce qui est écrit pour que ça soit en accord avec votre époque ou en accord avec vos passions ou en accord avec qu'est-ce que l'Occident a voulu ou en accord avec qu'est-ce que les bouddhistes et les hindous et les chrétiens et les juifs ont décidé, hein, par rapport à Allah ou par rapport à qu'est-ce que les philosophes grecs ont écrit dans leur livre de philosophie. Ne prenez pas le sens apparent de qu'est-ce qui est dans le Coran. Pourquoi le professeur n'a jamais dit ça dans ce cas-là, hein? Donc ça c'est un exemple. Et le cheikh il dit ensuite wa innama al-huda ruju'ukum ila maqayis 'uqulikum. Donc pourquoi le professeur n'a pas dit la guidance c'est de retourner à vos règles rationnelles que vous avez inventées vous-même et de retourner à ce que les gens de kalam parmi les philosophes et autres ont inventé comme règles. Après les trois premières générations. Donc, même si on sait que à la fin de la période des tabi'in, il y a certaines de ces idées-là qui sont apparues, mais c'était encore restreint et limité. Mais on sait que à partir de la fin de la période des tabi'in, c'est là qui est apparue la parole des gens qui nient les attributs d'Allah. Donc le cheikh Al-Fawzan il va commenter là-dessus. Premièrement sur la parole, sur le fait que ces gens-là prétendent donc qu'il ne faut pas suivre le sens apparent du Coran dans la aqida, hein, et que c'est de l'égarement de le faire. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit dans ce cas-là? Cheikh il dit هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمسك بظاهر ومدلول القرآن لأن من تمسك به فهو ضال فهو ضال كما يقوله هؤلاء حاشا وكلا بل قال من تمسك به فهو الناجي ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي الكتاب والسنة. Donc le cheikh dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne prenez pas le sens, ne vous accrochez pas au sens clair et apparent de ce qu'indique le Coran, hein, parce que celui qui s'y accroche, c'est un égaré, hein, comme le disent ceux-là? Non, certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit une telle chose. Hein, et il dit, au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, accrochez-vous au Coran et accrochez-vous à son sens apparent. Parce que c'est ça ce qui va vous sauver. Et il a dit, celui qui suit ce que j'ai suivi moi-même ainsi que mes compagnons. Et il a dit, je laisse parmi vous ce que si vous vous y accrochez, hein, après moi, vous allez jamais vous égarer. Et il a dit, c'est le livre d'Allah et ma sunna, le Coran et la sunna. Donc c'est ça ce qu'il nous a ordonné de suivre. Il nous a pas ordonné de suivre autre chose, ou une autre interprétation, ou une autre compréhension, ou de suivre un autre sens caché, autre que qu'est-ce qui est apparent dans le Coran. Hein? Après, il dit, لأن هذا الجدل وهذه القواعد المنطقية وهذا البلاء إنما حدث بعد القرون المفضلة الأربعة أو الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونكم ثم الذين يلونكم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم قال: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن، وإلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم في وصف الخلوف. فهذه الفتن إنما حدثت بعد القرون المفضلة. نعم، بعد القرون المفضلة. Donc le cheikh il dit donc même si c'est certaines de ces bid'ah sont apparues, certaines de ces idées de négation des attributs d'Allah et de se baser sur l'ilm al-kalam et la philosophie et des trucs comme ça, même si une partie d'entre ces choses-là sont apparues ou la base de ces idées-là sont apparues à la fin de l'époque des tabi'in, le cheikh dit parce que les règles de dialectique, les règles logiques de la logique grecque ou de la logique d'Aristote ces malheurs-là sont arrivés après les meilleures générations, c'est-à-dire après la quatrième ou la troisième génération, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit: la meilleure génération c'est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Et il dit, le narrateur dit, je ne sais pas s'il a mentionné après sa génération une ou deux trois ou quatre générations. Non, c'est ça. Il dit, je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté après sa génération deux ou trois générations. Puis il dit, et après eux, ou après vous, il y aura des gens qui vont tromper, qui vont trahir leurs engagements, qui ne vont pas être honnêtes, qui vont faire des témoignages sans qu'on leur demande, et qui vont faire des vœux, mais qui ne vont pas tenir leurs engagements. Ils ne vont pas les accomplir, leurs vœux. Et on va voir apparaître chez eux qu'ils vont avoir du poids, ou ils vont avoir de la graisse, beaucoup de graisse. Donc c'est un siman, c'est-à-dire ils vont être grassouillés. إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم في وصف الخلوف فهذه الفتن إنما حدثت بعد القرون المفضلة. Donc ça c'est pour décrire ceux qui vont venir après les trois premières générations. Il dit que ça fait partie des fitan qui vont se produire après les trois premières générations. Il dit na'am wa minha shay'un hadatha fi 'asr akhir as-sahaba wa 'asr at-tabi'in walakin lam yadhhar li'anna al-islam qawiya wa lam tadhhar al-firaq illa ba'da madhi al-qurun al-mufaddala 'inda da'f al-muslimin. Donc le cheikh il explique il y a certains aspects de ces égarements qui sont apparus à la fin de l'époque des Sahaba et à la fin de l'époque des Tabi'in. Sauf que quand ces choses-là sont apparues dans cette époque-là, c'était quelque chose qui n'était pas apparu ouvertement. C'était pas quelque chose qui était sorti ouvertement. C'était des petits éléments ou des individus et des éléments qui se sont manifestés, mais c'était très limité. C'était limité à une personne ou deux. C'était pas quelque chose qui avait une force. C'était pas répandu non plus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'islam était fort. Et donc, les sectes et les égarements, elles n'étaient pas encore propagées. Elles pouvaient pas se propager facilement parce que les gens connaissaient le Coran, connaissaient la Sunna. Et les gens qui étaient sur la Sunna étaient forts. Et ils faisaient beaucoup d'efforts pour protéger la aqida des gens. Ces sectes-là sont apparues uniquement après les trois meilleures générations, lorsque les musulmans se sont affaiblis. Donc, il faut bien comprendre ça. Parce qu'à la base, peut-être qu'il y avait des individus qui ont appelé à ces innovations-là et à ces égarements-là, mais elles n'ont pas pu se propager et être apparentes à cette époque. C'est seulement par la suite que c'est ces choses-là sont apparues. Le cheikh il dit ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. Donc le cheikh explique l'origine de la bid'a de ceux qui nient les attributs d'Allah. D'où est-ce que ça vient cette bid'a? Hein? Et c'est qui a fait apparaître ça parmi les musulmans en premier? Donc il dit que premièrement, c'est la base de cette idée ou de cette fausse croyance de négation des attributs, c'est quelque chose qui a été pris chez les élèves des juifs et des mouchriquins et des adorateurs d'étoiles et des égarés parmi les adorateurs d'étoiles, les sabi'in. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit لما فارغ رحمه الله من المقارنة بين ما دل عليه الكتاب والسنة من العقائد الصحيحة وما عليه المتأخرون من العقائد الباطلة أراد أن يبين سند أهل الضلال من أين جاءهم هذا المذهب ومن أين أخذوه لأنه بين أن أهل السنة والجماعة أخذوا مذهبهم من الكتاب والسنة ومما عليه السلف الصالح وهؤلاء المتأخرون أهل الضلال من أين أخذوا مذهبهم أخذوه من اليهود والنصارى أخذوه من اليهود والمشركين وضلال الصابئين فهم أخذوه من هذه الأمم الكافرة. Donc le cheikh explique que après que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ait terminé donc de faire la comparaison entre ce qui a été établi par le Coran et la Sunna parmi les formes de croyance qui sont authentiques et ce que les gens qui sont venus par la suite après les salafs, qu'est-ce qu'ils ont ramené comme fausse croyance, donc il a fini de comparer la croyance des salafs par rapport à la croyance des khalafs et leur fausse aqida, il a voulu mentionner yani, la chaîne de transmission de la croyance des gens de l'égarement. Et d'où est-ce qu'ils sont venus avec ces fausses croyances-là, et d'où est-ce qu'ils les ont pris, ces fausses croyances et ces fausses idées et ces fausses conceptions. Il dit que, pourquoi? Parce que il a clarifié que les gens de Ahl Sunna ont pris leur aqida et leur voie du Coran et de la Sunna et de ce sur quoi se tenaient les salaf al-salih. Tandis que ceux-là, c'est-à-dire les gens de bid'a parmi les gens qui nient les attributs d'Allah, eux, ils ont pris leur parmi les gens de l'égarement, ils ont pris leur aqida. Ils ont pris leur aqida de qui? Et d'où est-ce qu'ils l'ont trouvé cette aqida? Ils l'ont pris des juifs, des mouchriquins et des égarés parmi les sabi'in. Et voilà, et c'est pour dire en fait qu'ils ont pris leur aqida des peuples mécréants. Des peuples mécréants. Donc, ensuite le cheikh il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ حُفِظَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ في الإسلام هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il explique que le premier de qui on a rapporté que dans l'islam, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première personne à qui on a attribué cette parole, la parole de la négation des attributs d'Allah, parmi les gens de l'islam, c'est un homme qui s'appelait Ja'ad ibn Dirham. Al-Ja'ad ibn Dirham. Donc, Ja'ad ibn Dirham, c'est lui le premier à qui on a attribué la parole de la négation des attributs. Tous ceux qui sont venus après, que ce soit les Jahmiyyah ou les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiyah, tous les groupes et les sectes qui nient les attributs d'Allah, tous ceux-là sont arrivés par la suite, ils ont tous pris de Al-Ja'd ibn Dirham. Le premier qui a ramené cette bid'a dans la Ummah de l'Islam, c'est Ja'd ibn Dirham. Donc c'est lui qui est à l'origine de toutes ces sectes. Et c'est lui qui est à la racine de toutes ces sectes d'égarements qui sont venus par la suite. Et ensuite, Ja'd ibn Dirham, bon, premièrement, il mentionne ici que c'est lui le fondateur de cette voie et de cette secte. Et Al-Ja'd ibn Dirham, comme on va le mentionner, il a été exécuté par un des khulafa à l'époque, ou un des umara de l'époque, pour son hérésie, pour ses hérésies. Il a été exécuté par le dirigeant des musulmans à cette époque-là. Et il a été égorgé comme un mouton le jour de Eid, devant tous les musulmans. Hein? Et ça, c'était en l'an Sanatu Arba'in wa Ishrin wa Mi'a, donc en l'an 120 de la Hijra. Ok? En l'an 120, après la mort du prophète, après la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après lui, il y a un autre homme qui a pris la bannière de cette bid'a et qui l'a propagée après lui, c'était son élève, il s'appelait Al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan. Hein? Et Al-Jahm ibn Safwan, il l'a pris donc de Al-Ja'd ibn Dirham. Pourquoi on ne l'appelle pas, donc c'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui cette secte, on l'appelle la secte des Jahmiyyah, à cause de Jahm ibn Safwan. Mais pourquoi on ne l'appelle pas Ja'diyya, hein? Parce que Al-Ja'd ibn Dirham, c'est lui qui l'a inventé cette bid'a, ou c'est lui qui l'a ramené en premier, mais ce n'est pas lui qui l'a propagé. Celui qui l'a propagé partout, qui l'a fait, celui qui l'a fait connaître, hein, et qui l'a diffusé et qui l'a propagé, c'est Jahm ibn Safwan, et c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Jahmiyyah aujourd'hui. Ok? Donc, c'est sûr que la secte Jahmiyyah, en tant que telle, elle n'existe pas en tant que secte aujourd'hui, mais il y a plein de sectes qui existent qui ont hérité des bid'as de cette secte. Hein, et des bid'as de Jahm ibn Safwan. Par exemple, dans la négation des attributs d'Allah, les Asha'ira et les Maturidiyah, ils ont hérité la négation des attributs de cet égarement-là. Hein? Donc, ils ont une part de la voie des Jahmiyyah. Et la même chose pour les Mu'tazila, même si les Mu'tazila, ils n'existent plus aujourd'hui en tant que groupe ou secte organisée, hein? Mais malgré tout, plusieurs de leurs bid'as existent, entre autres, la bid'a des Asha'ira et des Mu'tazila, la bid'a des Asha'ira et des Maturidiyah, dans la négation des attributs d'Allah, ils sont sur la même voie que eux. Et la même chose pour les Rafida, par exemple, les Shia. Toutes les sectes des Shia sont sur la même croyance que les Mu'tazila dans les noms et les attributs d'Allah. Ils ne reconnaissent pas, ils n'affirment pas ni les noms ni les attributs. Ils sont sur la voie des Mu'tazila, les Shia. Hein? Et donc, les Mu'tazila, il y a aussi beaucoup de gens à notre époque, parmi les modernistes, qui ont pris certains de leurs principes et de leurs fondements. Donc certains qui disent, par exemple, parmi les musulmans, mais pourquoi vous enseignez aux musulmans ces sectes-là ou les croyances de ces sectes alors que ces sectes-là n'existent plus, hein? Donc peut-être que les sectes en question n'existent plus, mais leurs idées et leurs croyances existent encore chez ces sectes-là aujourd'hui et elles sont propagées aujourd'hui au nom de différents groupes et de différentes sectes et de différentes tendances chez les Asha'ira et les Maturidiyya, chez les Soufiyyah et dans beaucoup d'autres sectes comme la secte des Shia et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il est bon de les connaître et de savoir ça justement pour s'en protéger et pour éviter de tomber dans leurs égarements. Al-Jahm ibn Safwan, c'est Abu Mihraz. Sa kunya, c'est Abu Mihraz, Abu Mihraz al-Rasibi. Mawlahum al-Samarqandi. Donc, il est mort à l'époque des jeunes parmi les tabi'in, c'est-à-dire à la fin de la période des tabi'in. Et donc, c'est lui qui a été à la tête de cette bid'a. Et il a lui aussi été exécuté. Lui, il a été exécuté de la même manière que son successeur, ou pas son successeur, mais son professeur, disons, Al-Ja'd ibn Dirham, Donc, Ja'd ibn Dirham a été exécuté en l'an 120, et lui, Jahm ibn Safwan, il a été exécuté en l'an 128. En l'an 128. Et donc, la plupart des ulama de la Ummah ont déclaré Jahm ibn Safwan à cette époque-là comme étant un hérétique et comme étant un kafir, hein, comme étant un mécréant. Et il y a plus que 500 imams parmi les imams d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a, hein, parmi les salafs, qui ont déclaré la mécréance de Al-Jahm ibn Safwan et de Ja'd ibn Dirham. Et c'est pour ça que Ja'd ibn Dirham a été exécuté, hein, par Al-Khalid al-Qasri. Par Khalid al-Qasri, qui était le dirigeant de l'époque, comme je vous ai dit. Il a dit aux gens, comme on va le mentionner aussi après, il a dit aux gens, le jour de Eid, il a fait la salat, après il a fait la khutba de Eid, et après, avant de descendre du minbar, il a dit aux gens, oh vous les gens, allez égorger vos moutons. Il dit, moi je vais aller égorger Ja'd ibn Dirham. Parce que il a nié que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa, et il a nié que Allah subhanahu wa ta'ala ait pris Ibrahim comme son Khalil, hein, et ainsi de suite. Il a donné des exemples de ses paroles de mécréance, et ensuite il est descendu et il l'a égorgé, hein, comme c'est la peine pour les hérétiques et les apostats et les gens qui appellent à la mécréance et qui propagent du kufr. Ça fait partie des règles de l'islam pour préserver et protéger la croyance islamique les déviations de ces gens-là. Donc, une des peines, c'est qu'ils sont exécutés pour la propagation, pour avoir propagé ces croyances de mécréance-là parmi les musulmans. Et à notre époque, est apparu des groupes, comme à notre époque, on a entendu de la part de certains, comme dernièrement Ibrahim al-Ruhayli, qui a commencé à faire la défense de certains Mubtadi'a, et il a dit, même dans une de ses paroles, que si quelqu'un ne déclare pas Jahm ibn Safwan, quelqu'un ne déclare pas Jahm ibn Safwan comme étant un Mubtadi'a, tu peux quand même prendre de lui. Et ça, c'est grave, parce que non seulement les ulama des salafs, plus que 500 parmi les imams des salafs, ont déclaré que Jahm ibn Safwan était un kafir, et non pas un innovateur seulement, mais un kafir. Donc, de dire qu'on peut prendre de quelqu'un, même s'il ne déclare pas Jahm ibn Safwan comme étant Mubtadi', c'est une parole dangereuse, et ça amène les gens à dénigrer, hein, ou de ne pas donner d'importance aux questions de aqida et aux questions de manhaj. Ça, c'est une porte, hein, dangereuse qui vient d'être ouverte avec ce genre de paroles. Et c'est pour ça que certains des ulama, alhamdulillah, comme Cheikh Mohammed bin Hadi et d'autres, ont mis en garde justement contre cet individu-là et contre d'autres aussi. Donc, ensuite, donc Cheikh al-Islam, il a dit donc qu'il a pris cette croyance de Al-Jahm ibn Safwan, et c'est Jahm ibn Safwan qui l'a fait paraître, cette parole, et qui l'a propagée, et c'est pour ça qu'on a appelé la secte Jahmiya. Et Cheikh al-Fawzan, il dit Al-Ja'd ibn Dirham fi akhir al-dawlat al-umawiyya. قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى لما خطب خطبة العيد رحمه الله قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فنزل عن المنبر فذبحه وذبحه وهكذا كان أمراء الإسلام يقتلون الزنادقة والملاحدة كفا لشرهم. Donc on voit ici tout ce que j'ai expliqué en français. Le cheikh il l'avait expliqué, donc c'est comme si c'est pas nécessaire de le retraduire encore puisque je l'ai déjà expliqué, mais c'est juste pour dire à la fin qu'il dit que c'est comme ça que les dirigeants de l'islam exécutaient les hérétiques et les athées et les gens qui reniaient ce qui est révélé par Allah, pour faire en sorte que leur mal ne soit pas propagé. Et ça, c'est pour montrer que dans l'islam, la aqida, c'est la chose la plus chère, qui a le plus de valeur pour le musulman. Et donc, que c'est la chose la plus importante à protéger. Et même parmi les choses qu'on appelle ad-daruriyat al-khams, hein, les cinq nécessités qu'on doit protéger, eh bien, la première d'entre ces nécessités-là, c'est ad-din, c'est la religion. C'est-à-dire que tu dois préserver la religion avant tout, hein, avant tout le reste, hein, avant la vie, avant la raison, avant toutes les autres choses que tu peux devoir préserver ou protéger. Pourquoi ? Parce que ta religion, c'est ce qui va déterminer ton sort dans l'au-delà. Hein. Soit que tu sois au paradis ou en enfer. Et ça, c'est la vie éternelle. Soit au paradis ou en enfer. Donc, c'est très, très, très grave si quelqu'un s'égare dans cette voie-là. Et c'est pour ça que dans l'islam, on donne la plus grande importance à la aqida et à la croyance. Et donc, on ne va pas dire aux gens, tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut. Et on a la liberté de croyance et d'opinion, comme chez les kuffars, dans les droits de l'homme, par exemple, ils disent que quelqu'un peut croire en ce qu'il veut et que la croyance n'a pas d'importance. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, en fait, que n'importe qui peut se prétendre prophète, n'importe qui peut se prétendre messager, ou n'importe qui peut appeler à une nouvelle religion, inventer des nouvelles croyances, appeler les gens à du kuff, à du shirk, à des bid'as, à des égarements, et que personne n'a le droit de rien faire ou de rien dire. Hein? Et tout ça au nom de la liberté, de la laïcité ou de je ne sais pas quoi d'autre encore, hein, de la démocratie. Donc tout ça, c'est pour dire que c'est parce que les gens qui ont inventé ces lois-là ou ces droits-là ne croyaient pas en quelque chose, ne croyaient pas en rien, hein, de vérité, comme étant une vérité. Hein. Et donc quand quelqu'un ne croit pas en quoi que ce soit, eh bien c'est facile pour lui de dire aux gens, vous n'avez pas besoin de croire en quelque chose, ou vous pouvez croire en ce que vous voulez, c'est pas grave, ça n'a pas aucune importance. Hein? Donc celui qui dit que de croire en n'importe quoi, ça n'a pas d'importance, que en qu'est-ce que tu crois, ça n'a pas d'importance, même si tu crois à la vérité ou tu crois en qu'est-ce qui est faux, c'est la même chose. Eh bien celui qui dit ça, c'est parce qu'il n'a pas de religion. Hein? C'est pour ça, regardez n'importe quelle personne qui dit qu'il est laïque, et demandez-lui c'est quoi sa religion, et vous allez voir. Là, soit il n'a pas de religion, ou soit il ne croit pas réellement en qu'est-ce qu'il prétend croire. Parce que ce n'est pas possible. Hein? Tu dis par exemple à quelqu'un, toi, est-ce que tu es chrétien? S'il dit oui, tu lui dis ok, d'accord. Maintenant, est-ce que tu ne crois pas que dans ta religion, il y a un livre que tu dois suivre avec des enseignements, et que Dieu t'a a révélé? S'il dit oui, dans ce cas-là, tu lui dis, mais comment dans ce cas-là, tu ne peux pas l'appliquer et dire que c'est correct d'appliquer autre chose? C'est inconcevable. Hein? Même si c'est des fausses religions, hein? Même si c'est des fausses religions, dans le sens que même si c'est le christianisme ou le judaïsme ou d'autres fausses croyances. Donc, c'est encore plus grave pour un musulman, puisque la religion de l'islam, c'est la religion d'Allah, c'est la religion de vérité. Donc, si un musulman dit, moi je suis laïque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut mettre de côté le Coran et la Sunna, et qu'est-ce que Allah a révélé par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et dans la Sunna, et dire, oui, ça c'est ordonné par Allah, et c'est dans le Coran, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de l'appliquer. C'est juste un livre comme ça que Allah a révélé pour qu'on laisse sur nos étagères et dans nos bibliothèques, et puis qu'on le lit et on le récite seulement avec une belle voix, mais pas pour qu'on vive selon qu'est-ce qui est révélé comme loi et comme principe et comme règle dedans. Et si d'autres personnes ont d'autres croyances contraires à qu'est-ce qui est dans le Coran, eh bien c'est pas grave, on peut laisser les lois qui sont contraires que ces hommes-là ont inventées, ou les croyances qu'ils ont, eh bien, on peut les mettre par-dessus qu'est-ce qui est révélé par Dieu et par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, c'est pas grave. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ces gens-là, la parole d'Allah, c'est pas la parole d'Allah. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite pas d'être obéi pour eux. Et que c'est pas la vérité. Qu'est-ce que Allah a dit dans le Coran pour eux, c'est pas la vérité. Et c'est à ça que revient la négation d'Allah de ses noms et de ses attributs. Hein? Et c'est ça que c'était ça le danger à l'époque de la bid'a des Jahmiyyah et de la bid'a des Mu'tazila. Parce que eux, c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient le Coran, c'est pas la parole d'Allah. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas révélé de livres avec, par un messager et qu'il n'a pas donné ses ordres et ses interdictions et que si on désobéit, c'est pas grave. Hein? On peut vivre selon nos propres passions et nos propres désirs, pas besoin de se soumettre à Allah. À la fin, c'est à ça que ça amène les croyances de ces gens-là qui nient les attributs d'Allah. Et c'est pour ça que les salafs ont combattu cette bid'a, hein, encore plus que toutes les autres. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il dit, donc tout ça, je disais ça pourquoi? Pour faire comprendre que dans l'islam, la croyance, elle est importante. Et elle a sa valeur. Et c'est une question de vie ou de mort. Et que c'est même plus grave que la vie et la mort. Parce que c'est une question de vie éternelle. C'est une question soit de l'enfer ou du paradis. Hein? Et donc, c'est ton sort dans l'au-delà. Tu peux pas dire, ça c'est pas grave pour moi. Ça n'a pas d'importance. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a des punitions très sévères pour ça. Pour protéger la aqida des gens, pour éviter qu'ils vont être brûlés éternellement en enfer. Pour les kuffars, ça leur est complètement égal parce qu'ils ne croient pas en l'enfer et ils ne croient pas au paradis. Mais au jour de la résurrection, ils vont savoir. Hein, quand ils vont voir le feu qui brûle devant eux et qu'ils vont être jetés dedans, la face la première, et qu'ils vont être châtiés dans le feu, et ils vont se rappeler de leur négation ce jour-là et ils vont dire, oh, si seulement on aurait été des croyants. Hein? نسأل الله أن يسأل الله أن يهدينا وأن يحفظنا وأن يجعلنا مؤمنين وأن يرزقنا الجنة وأن يقينا عذاب النار. وقال ابن القيم نظم هذا وقال نظم هذا في قوله من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة ولله درك من أخي قربان. Donc l'imam Ibn Qayyim, il a mis ça dans An-Nuniyya, il a mis ça en vers, il l'a mentionné dans An-Nuniyya, et il a expliqué donc que Khalid al-Qasri il a exécuté Al-Ja'd ibn Dirham le jour de Eid et il l'a exécuté parce que Al-Ja'd ibn Dirham niait les exemples de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos de sa personne dans le Coran comme attribut du fait qu'il a pris Ibrahim comme Khalil et qu'il a parlé à Moussa. Donc eux ils ne croient pas en ça, ils ne croient pas que Allah parle. Et ils ne croient pas que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers et qu'il a pris certains d'entre eux comme son Khalil et ainsi de suite. Donc, ils nient qu'est-ce qui est révélé dans le Coran. Ils nient la vérité qui vient d'Allah. Donc, le Cheikh dit ensuite: "Al-Jahm ibn Safwan akhadha hadha al-madhhab 'an al-Ja'd wa nusibat ilayhi al-Jahmiyya. Fal-Ja'd assal al-madhhab walakin nusiba ila al-Jahm li'annahu huwa alladhi adharahu." أظهر هذه المقالة الخبيثة فنسبت إليه. Donc c'est ça. Al-Jahm ibn Safwan, c'est lui qui a pris cette voie, cette croyance de Al-Ja'd ibn Dirham, et on l'a appelé Jahmiyyah parce que même si c'est Al-Ja'd qui avait établi la base de cette croyance, mais c'est Al-Jahm ibn Safwan qui l'a propagé, qui l'a fait paraître par la suite. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Jahmiyyah, cette secte aujourd'hui. Ensuite, il remonte encore plus loin dans l'origine de cette secte. Et il nous explique d'où est-ce qu'elle vient à la base. Donc il dit: وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْجَعْدَ أَخَذَ مَقَالَتَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ سَمْعَانَ وَأَخَذَهَا أَبَانَ عَنْ طَالُوتِ بْنِ أُخْتِ لَبِيدٍ الْأَعْصَامِ وأخذها طالوت من لبيد ابن العصام اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران. Donc le cheikh explique que on a dit que Al-Ja'ad, il avait pris cette croyance qu'il a inventée de Aban ibn Sam'an. Aban ibn Sam'an. Donc, Ja'ad ibn Dirham, il a pris cette croyance de la négation des attributs d'Allah de Aban ibn Sam'an. Et Aban ibn Sam'an, il l'a pris de qui? Il l'a pris de Talut ibn Ukhti Ladid ibn Al-Asam. Et Talut, il l'a pris de qui? Il l'a pris de Ladid ibn Al-Asam. Le juif, le sorcier juif qui avait ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc c'est ça la chaîne qui est à l'origine de la croyance de Ja'd ibn Dirham. Ja'd, il l'a pris de Aban ibn Sam'an, et Aban ibn Sam'an, il l'a pris de Talut ibn Ukhti Labid ibn Al-Asam, et Talut, il l'a pris de Labid ibn Al-Asam, celui qui avait ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est de là que revient la bid'a des Jahmiyyah. Hein, des kuffars parmi les juifs et les sorciers. Il dit que Al-Ja'ad, lui, il dit وكان الجعد هذا فيما قيل أنه من فيما قيل من أهل حران. Donc on a dit à propos de Al-Ja'ad qu'il vient des gens de la ville de Harran. Ok, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Donc le cheikh Al-Fawzan, il dit que ça c'est la chaîne. هذا سند الجهمية وإمامهم الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن العصام اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم يا له من سند قبيح. Donc le cheikh il dit, regardez quelle mauvaise chaîne de transmission que celle-ci. Hein, la chaîne, ça c'est la chaîne de transmission des Jahmiyyah. Hein, leur chaîne de transmission c'est leur imam Al-Jahm ibn Safwan, et lui il a pris de qui? Il a pris de Al-Ja'd ibn Dirham, et Ja'd ibn Dirham il a pris de qui? Il a pris de Aban ibn Sam'an, et Aban ibn Sam'an il a pris de Talut, et Talut il a pris de Labid ibn Al-Asam, et Labid ibn Al-Asam c'est qui? C'est le sorcier juif qui avait ensorcelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle mauvaise chaîne que celle-ci. Comme elle est laide, cette chaîne. Après, le cheikh Al-Fawzan, il fait le commentaire par rapport au fait que parole que Al-Ja'd, il vient des gens de Harran. Il dit فَهُوَ أَخَذَ هَذِهِ الْمَقَالَ عَنِ الْيَهُودِ وَأَيْضًا أَخَذَهَا عَنْ جَمَعَةِ النِّمْرُودِ في أرض حران وهم الصابئة الذين يعبدون الكواكب فهو أخذها عن اليهود والصابئة وهذا معنى قول الشيخ فيما سبق عن قول جهم إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئة. Donc le cheikh il dit que donc Al-Ja'd il l'a pris de cette parole des juifs, hein, et il l'a pris également du groupe de Nimrod. Nimrod c'était le roi à l'époque d'Ibrahim qui vivait dans la région de Harran, la ville de Harran. Donc il dit que les gens de Harran c'était des Sabi'a. Il faisait partie des Sabi'a qui adorent les étoiles. Donc il l'a pris, sa croyance en fait, des juifs et des Sabi'a. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam, précédemment, il a dit que cette croyance de Jahm ibn Safwan et de Jahmiya, elle vient à la base de la parole, elle est prise à la base des élèves des juifs, des mouchriquines et des égarés parmi les Sabi'a. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة وبقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. Donc le cheikh il dit, et il y avait parmi eux, c'est-à-dire parmi les gens de Harran, hein, parmi les gens de Harran, c'est-à-dire les gens de là où viennent Al-Ja'd ibn Dirham, il y avait des gens de différentes religions de Kufr. Hein, et c'est de là que Al-Jahm a pris sa croyance. Hey, في أهل حران أخلاط من أصحاب الملل الكفرية تلقى الجعد مقالته عنهم. Donc le cheikh il explique que il a pris la croyance de ces différentes religions de Kufr qui existaient à l'époque dans la ville de Harran à ce moment-là. Et il dit que dans la ville, un cheikh l'islam il dit que dans la ville de Harran à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens parmi les Sabi'a et les philosophes qui existaient encore. Et des restants également de la religion de Nimrod. Nimrod, c'est le roi à l'époque de Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il est venu et il lui a dit lorsque Ibrahim alayhi salam a dit « Mon Seigneur est celui qui fait vivre et qui fait mourir. » Et il a dit « Moi aussi je fais vivre et je fais mourir. » Alors il a ramené deux hommes, et il en a tué un, il a laissé l'autre vivant. Il a dit donc, tu vois, moi aussi je fais vivre et je fais mourir. Et à ce moment-là, Ibrahim alayhi salam lui a dit « Allah est celui qui fait lever le soleil à l'est, alors essaie de le faire lever à l'ouest. » Et bien, à ce moment-là, il n'avait plus d'arguments. Et donc, c'est pour dire que c'est lui, Nimrod. Et eux, c'était des gens de cette région-là. Donc, c'est de là qu'ils venaient. Donc, les gens de Nimrod et les gens de Canaan. Les gens de Canaan. Donc, ces gens-là avaient des religions de shirk, de kufr. Hein, et il y avait parmi eux des philosophes, des adorateurs d'étoiles. Le cheikh il dit que certains ont écrit un livre au sujet de leur sorcellerie, c'est-à-dire de la sorcellerie qu'ils avaient dans cette région-là. Et celui qui a écrit le livre à propos de cette sorcellerie-là, c'est Ar-Razi. Abu Abdillah Ar-Razi, il a écrit un livre qui s'appelle As-Sirr al-Maktoum fi Muqatabat al-Nujum. Et le cheikh il dit صنفa هو الرازي حيث صنف كتابا قبيحا اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم. Donc il a écrit un livre très laid qui, dans lequel il parle de la sorcellerie, il ramène des choses de la sorcellerie, des choses comme ça. Donc il dit que ensuite Ibn Taymiyyah il dit النمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس وفرعون ملك القبط الكفار والنجاشي ملك الحبشة النصارى فهو اسم جنس لا اسم علم. Donc Cheikh l'Islam explique ici que An-Nimrod c'est le nom du roi de... C'est le nom pour le roi des Sabi'a, des gens de Canaan, parmi les Mushrikin. De la même manière que Kisra, c'était le nom pour les rois de la Perse et des Majus. De même que Pharaon était le nom qu'on donnait au roi des Coptes, Koufar. Hein? Et la même chose pour Najashi, c'était le nom qu'on donnait au roi chrétien de l'Éthiopie. Donc c'est un titre en fait, c'est pas un nom propre, c'est pas des noms propres ça. Nimrod, Kisra, Pharaon, Najashi, Qaisar, c'était pas des noms de personnes, c'était des noms de titres. Et c'était le nom qu'on donnait à leur roi. Donc le cheikh explique, il dit وَمِنْ مَلِكُ الْفُرْسِ يُقَالُ لَهُ كِسْرَ وَمَلِكُ الرُّومِ يُقَالُ لَهُ هِرَقَل. الحبشة ملك الحبشة يقال له النجاشي وملك مصر يقال له فرعون. Donc c'est ça. C'est des noms qu'on donnait aux différents rois de ces différentes régions-là. Kisra, Héraclès pour le roi de la Rome, les Romains, Al-Najashi pour l'Éthiopie et Pharaon pour l'Égypte. هذه ألقاب اسم جنس وليست علما على شخص معين. Donc c'est pas des noms pour des personnes, hein, c'est pas des noms propres, c'est des noms qui s'attribuent ou qui se donnent aux personnes qui ont le titre de roi à cet endroit-là, on les appelle comme ça. نعم كانت الصابئة إلا قليلا منهم. Donc Ibn Taymiyyah il dit كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل بل مؤمنا بالله واليوم الآخر كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc le cheikh explique que Cheikh Ibn Taymiyyah il explique ici que les sabi'a, excepté un très petit nombre d'entre eux, à cette époque-là, ils étaient tous sur le shirk, excepté un petit nombre. Et leurs savants, c'était les philosophes. Ceux qu'ils considéraient parmi eux comme étant les savants, c'était les philosophes. Cheikh Al-Fawzan, il dit « As-sabi'a ala qismayn, qismun muwahidun, وهم المذكورون في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فذكرهم الله فيه أهل الملل فهؤلاء صابئة موحدون وقسم مشركون وهم جماعة النمرود الذين يعبدون الكواكب. Donc, le Cheikh dit qu'il y a deux catégories de Sabi'a. Un groupe qui est sur le Tawhid, comme ceux qui sont mentionnés dans le verset 62 dans Surat Al-Baqarah, et le verset 69 dans Surat Al-Ma'idah qu'on a lu tout à l'heure, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceux qui ont cru, hein, ceux qui ont cru, et ceux qui ont été juifs ou chrétiens ou Sabi'in, et qui ont cru en Allah et au jour dernier, et qui ont fait des bonnes œuvres, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur, et ils n'auront pas de crainte, et ils ne seront pas attristés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés parmi les gens des religions, donc ceux-là sont les sabi'a, qui sont muwahidun, c'est-à-dire ils ont cru au tawhid, en l'existence d'Allah, et le fait de lui vouer à lui seul l'adoration. Et ensuite il dit wa qismun mushrikun, il y a une autre catégorie des sabi'a qui sont des mushrikun, et c'est un groupe, c'est le groupe de Nimrod, hein, ceux qui adorent les étoiles, hein. Donc c'est une autre catégorie, c'est la majorité, par contre c'est eux qui étaient la majorité à cette époque. Naam. Et en ce qui concerne le fait que leurs savants c'étaient les philosophes, le cheikh il dit al-falasifa laysu ulama wahi wa in li'annahum laysa 'indahum kitab wala rusul wa innama ya'tamiduna 'ala 'uqulihim wa 'ala hikmatihim kama yaz'umun. Donc le cheikh il dit que les philosophes ce ne sont pas des savants avec la, c'est-à-dire par rapport à une révélation, ce ne sont pas des savants par rapport à une révélation parce qu'ils n'ont pas de livre et ils n'ont pas de messager. Ils ne croient pas en un livre ou en des messagers. Ils se basent uniquement sur leur logique et leur raison et leur sagesse selon ce qu'ils prétendent, hein, selon leurs prétentions. Après le cheikh il dit même si le sabi, c'est possible que il soit pas un mushrik, même que c'est possible qu'il croit en Allah et au jour dernier, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans les versets qu'on a mentionnés tout à l'heure, versets 62 et 69, 62 dans Surat al-Baqarah et 69 dans Surat al-Ma'idah. Donc c'est possible qu'il soit sur le tawhid et qu'il soit croyant. Ça c'est bien entendu avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien après que les religions de ces prophètes-là aient été falsifiées ou changées, comme par exemple le judaïsme ou le christianisme, hein, le christianisme qui a été manipulé ou changé par les chrétiens, par la suite c'est devenu une religion d'idolâtrie, une religion d'adoration des morts, d'adoration de Jésus, de Marie et des saints, et des idoles et des croix. Donc ça c'est pas la religion de Jésus, c'est une religion que des gens ont inventée après, hein, après Jésus. Donc c'est pas, ce n'est après qu'il soit élevé aux cieux. Mais c'est pas la religion de Isa alayhi salam. De même que le judaïsme tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas la religion de Moussa alayhi salam. Et si aujourd'hui le chrétien veut suivre Jésus, être sur la même religion que celle que suivait Jésus, de même que Moussa, donc si les juifs veulent être sur la même religion que celle que suivait Moussa à l'époque, eh bien ils doivent aujourd'hui se convertir à l'islam. Sinon, ils ne seront pas sur la religion de leur prophète. Ils sont sur le kufr et le shirk. C'est très important. Et le cheikh, il dit, donc, pour commenter par rapport à ces versets, ces deux versets-là, il dit que les philosophes, par rapport aux philosophes, on a dit, on a lu ça déjà. Ensuite, il dit, وَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ هُنَاكَ مِنَ الصَّابِئَةِ مَنْ هُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَأَمَّا الصَّابِئَةِ الْمُشْرِكُونَ فَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ. Donc, Cheikh, il dit que ça indique et ça prouve que il y a des sabi'ah qui sont parmi les croyants, tandis qu'il y en a d'autres qui sont des mushrikoun et qui adorent autre que Allah. Ça, c'est, comme on l'a dit, c'est la majorité. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ كَانُوا كُفَّارًا أَوْ مُشْرِكِينَ كَمَا أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بَدَّلُوا وَحَرَّفُوا وصاروا كفارا أو مشركين فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. نعم. Donc On va expliquer cette partie-là, puis après on va s'arrêter pour aujourd'hui. Le cheikh, il dit, beaucoup d'entre eux, ou la plupart d'entre eux, étaient des kuffars ou des mushrikoun, c'est-à-dire les sabi'ah. Aksar sabi'ah mushrikoun, wa qalilun minhum sabi'atun muwahidun. Il y en a peu d'entre eux qui sont sur le tawhid, ou peu d'entre eux étaient sur le tawhid. Après, il dit le cheikh, كَمَا أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ بَدَّلُوا وَحَرَّفُوا وَصَارُوا كُفَّارًا أَوْ مُشْرِكِينَ. Donc, la même chose pour les juifs et les chrétiens. Beaucoup d'entre les juifs et les chrétiens ont changé la religion et ont falsifié, déformé la religion. Ils sont devenus des kuffars et des mushrikines avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant la venue de Isa alayhi salam aussi, mais après la venue de Isa, après la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'ils n'ont pas cru en le Coran et en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna, donc ils sont des kuffars, hein. Et le cheikh, il explique ça, il dit, wa aslul yahoud wa nasara kanu ala al iman wa لأن اليهود أتباع موسى عليه السلام والنصارى أتباع عيسى بن مريم ولكن بعد ذلك حرفوا وبدلوا وغيروا وبقي منهم بقايا على الدين الصحيح ومنهم من مات قبل البعثة وكفر ومنهم من بقي إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا بجميع الرسل ولذلك حازوا الأجر العظيم وأما غالبهم فإنهم حرفوا ديانتهم ويعني وغيروها وبدلوها وكفروا بالله كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. نعم. ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. وقالت اليهود عزير ابن الله. Donc le cheikh il dit à la base, à l'origine, les juifs et les chrétiens étaient sur la foi. Sauf que, yani, il dit parce, pourquoi? Parce qu'à la base, les juifs sont ceux qui suivent Moïse, alayhi salam. Et les chrétiens sont ceux qui suivent Isa, ibn Maryam, alayhi salam. Mais, après ça, ils ont falsifié, changé la religion, hein. Mais un groupe d'entre eux est resté sur la religion correcte, sur la religion authentique. Et parmi eux, il y a un grand nombre d'entre eux qui sont morts avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont mécru. Et parmi eux, il y en a qui sont restés sur cette voie jusqu'à ce que vienne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on les a vus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a certains d'entre ces chrétiens, ces juifs-là, qui étaient là lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et qui ont cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont cru en tous les messagers d'Allah. Hein, et c'est pour ça qu'ils ont obtenu une grande récompense. Mais la plupart d'entre eux, les juifs et les chrétiens, ont falsifié la religion des prophètes. Ont falsifié leur religion et ont déformé la religion et ont rejeté la foi en Allah. Donc le cheikh, il mentionne des versets à ce sujet, comme le verset 73 dans Sourate Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes il a mécru, certes ils ont mécru ceux qui ont dit que Dieu est le troisième du trois. C'est-à-dire là, ceux qui croient en la Trinité parmi les chrétiens. Puis il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, hein, comme ils le disent. Ou certains d'entre eux même vont dire que Marie est la mère de Dieu. Ils vont dire Marie, Jésus est Dieu. Donc, ils pensent que Dieu c'est le Père, Marie c'est la mère, et Jésus c'est le Fils. Donc, ça c'est, et tout ça c'est des paroles de kufr et de shirk. Et ça c'est de l'idolâtrie. Hein. Du shirk dans Rububiya et dans l'ibada. Et dans l'asma ou sifat aussi. C'est grave. Et à la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc, ils sont certes mécréants, ceux qui ont dit que Dieu est le troisième du trois, il n'y a qu'une seule divinité. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala seul qui mérite d'être adoré. Et s'ils ne cessent pas de ce qu'ils disent, eh bien, ils seront touchés. Ceux qui ont mécru parmi eux seront touchés d'un châtiment douloureux. Et dans un autre verset, le verset 73 dans Sourate, ça c'est 73 dans Sourate Al-Ma'idah, le verset suivant c'est le verset 1 dans Sourate Al-Bayyinah, et le verset 30 dans Sourate Al-Tawbah. Le verset 1 dans Sourate Al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate, il faut la lire pour voir, il mentionne donc que ceux qui n'ont pas cru, parmi les gens du livre et les mushrikin. Donc ça c'est pour montrer que il y a des kuffars parmi eux. De même que le verset 30 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les juifs ont dit que Uzair était le fils d'Allah. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans le livre des chrétiens et des juifs. C'est des choses c'est des exemples de kuffar et de shirk aussi. D'attribuer des fils à Allah subhanahu wa ta'ala ou des filles ou des enfants de façon générale. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'épouse, n'a pas d'enfant et n'a pas de fils ni de fille. Tout ce qui existe en dehors d'Allah est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Donc, on a dit, idh kanu kuffaran wa kanu yu'badun. Exact. Donc c'est ça. Donc par rapport à cette parole, du fait que à cette époque-là, ils étaient, il y en a des mouchriquines, des kuffars, qui adoraient les étoiles. Ça, c'était les Sabi'a de cette région-là. Le cheikh, il dit, Izzaka, yani, ala waqt al-Khalil, alayhi salam, kanu kuffaran wa mouchriquines. Wa hum fi ardi Babil, min ardi l'Irak. ومنهم جماعة في حران التي قيل أن الجعد منها يعني في شمال الشام. Donc le cheikh il dit que à cette époque-là, c'est-à-dire à l'époque de Al-Khalil, ils étaient des mouchriquins la plupart d'entre eux. Et donc c'était des kuffars et des mouchriquins. Et c'était dans la région de Babylone, en Irak, la Babylonie. Et il dit, parmi eux, il y en a un groupe de Harran aussi, de la ville de Harran, c'est dans le nord de la Syrie, ou de la région de la Syrie, c'est pas la Syrie, c'est la région de la Syrie dans le sens que tout ce qui est dans cette région-là, la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, hein, toute cette région-là, on appelle en arabe Al-Sham. Donc c'est ça. Donc, il y avait ces croyances-là, et c'est pour dire qu'en fait, Jad ibn Dirham, voilà d'où il a pris ses compréhensions et ses croyances. C'est pas du Coran et de la Sunna, mais c'est des kuffars, des juifs, des chrétiens, des majus et des philosophes, et ainsi de suite. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour le cours, et on continuera à partir de ce point la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين